بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 36 بعد 100، تنسجم حديث. يقول عن سلمى بن الأكواع، وكان من أصحاب شجرة رضي الله عنه، قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ذل نستذل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفي. الفي أو الفئة. فقال: طيب، دونك لو عن سلون سلمى ابن الأكوع، il faisait partie des gens qui avaient porté allégeance au Nabi صلى الله عليه وسلم في بيعت الردوان. Il a dit que nous faisions le Jumu'ah avec le prophète صلى الله عليه وسلم, puis nous rentrions chez nous, et alors qu'il n'y avait pas d'ombre sur les murs. Ou plutôt, les murs n'avaient pas d'ombre, par laquelle on pouvait s'ombrager, se protéger. Et dans une version, nous faisions le Jumu'ah avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, lorsque le soleil sortait du zénith. Et après, nous rentrions chez nous en suivant le feu. Le feu, c'est le début d'ombre que l'on peut trouver qui est léger. D'accord? Qui est très léger. Yaqulu Fadilat al-Shaykh ibn al-Uthaymeen. Al-Rawi, le rapporteur, c'est Salma ibn Amr ibn Sinan al-Aslami. Ce qui prouve que Salma, c'est un nom qui est mixte. On peut appeler une femme Salma et un homme Salma. Il était Wakana Salma Shuja'an, Ada Yasbeku al-Khayl. Et qu'il était très courageux et il courait plus vite que le cheval. Chose qui est surprenante mais qui est réelle. Salman ibn al-Aqwa courait plus vite qu'un cheval. Allahu Akbar. Wa awwal mushalati ghazwat al-Hudaybiya bay'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fiha 'ala al-maut marratayn aw thalathan. Et lorsque ce fut justement la bataille de l'Hudaybiya, que Salman, il a porté allégeance au Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mort, deux ou trois fois. C'est-à-dire qu'il est prêt à venir avec lui jusqu'à la mort. Donc c'était parmi les sahaba qui avaient des particularités célèbres comme le fait, par exemple, le grand courage qu'il avait et la rapidité donc que Allah Azza wa Jalla lui a accordé. Naam. Yaqulu mawdu al-hadith, sujet du hadith, bayan mata kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-jumu'ah, pour montrer à quel moment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait le jumu'ah. À quel moment? C'est une masala qui a apporté pas mal de khilaf. Yaqulu fi sharh al-ijmali. Yukhbiru Salma ibn al-Aqwa' رضي الله عنه عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة فيذكر من يذكر ما يدل هنا مكتوب من الصواب وما ما يدل على أنه كان يبادر بالصلاة من حين زوال الشمس حين حتى إنهم ينصرفون من الصلاة إلى بيوتهم والأفياء قصيرة يتبعونها تتبعا وليس للجدران ذل الطويل يستذلون به وكأنه لا يوجد إلا للحيطان الطويلة فيتبعونها. Donc Salma ibn al-Aqwa, justement dans ce hadith-là, montre à quel moment la salat de Jumu'ah doit se faire. À quel moment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait avec eux. Et d'après le descriptif qu'il a donné, cela montre qu'il le faisait au moment, d'accord, où le soleil était au zénith. Car ils partaient de cette salat, lorsqu'ils avaient fini la salat, pour se rendre chez eux, et que le début d'ombre n'était que léger, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore l'ombre qui commence lorsque le soleil commence à redescendre. Ce qui prouve que cette salat avait lieu juste après le zénith, en elle-même. Juste après le zénith. يقول من فوائد الحديث تصميم وجود الحديث مشروعية المبادرة بصلاة الجمعة من حين الزوال حتى في شدة الحر qu'il est légiféré de faire la salat du jumu'a tôt, même au moment du zénith, même lorsque le soleil, la chaleur est intense, ardente. ثانيا اتقاء الإنسان ما يؤلم أو يؤذيه من حر أو برد Et il dit qu'il est permis à la personne de chercher ce qui peut le protéger de la chaleur ou du froid. Et cela n'est pas une marque de faiblesse ou autre. Quand il fait chaud, il te permet de chercher un nœud pour un lieu ombragé afin de pouvoir te protéger du soleil. Et également, ce qu'il fait froid, de chercher un lieu, d'accord, qui soit réchauffé, afin de te préserver de la froideur. Et comme on a dit, ce hadith-là a amené à ce qu'il y ait beaucoup de divergences. Est-ce qu'il est permis de faire la salat du Jumu'ah avant l'heure du Zohr ou de l'heure valide du Zohr ou pas? D'accord. Et un grand khilaf, et le meilleur, et le col que nos machers ici ont vu comme étant prépondérant, c'est qu'il n'est pas permis de la faire avant l'heure du Zohr. Avant l'heure du Zohr. Et c'est une masala qui est un peu longue. Inch'Allah, on ne va pas détailler dedans. Rabbi Adel Kod Naktafi. والحمد لله رب العالمين